Chapitre 29e. Cet avertissement ne fut pas le seul qu'elle reçut, et quelques jours après l'intervention de M. Descloiseaux, il lui en vint un second qui lui prouva que de tous côtés, autour d'eux, chez elle comme au dehors, une active surveillance était organisée. Depuis qu'elle aimait, elle s'était départie de sa sévérité pour Flavien, et quand elle traversait maintenant le bureau, elle ne mettait plus d'affectation à détourner les yeux pour ne pas rencontrer ceux du jeune commis. Sans aller jusqu'à lui sourire ou jusqu'à l'encourager, elle le regardait avec une secrète sympathie. Le pauvre garçon, comme il doit être malheureux d'aimer sans espérance. Assez souvent, elle parlait de lui avec Adolphe, qu'elle interrogeait. Elle était touchée d'apprendre que les autres commis appelaient Flavien « mademoiselle » pour se moquer de sa vie régulière. Elle eût presque voulu qu'on lui dit qu'il avait une maîtresse, ou tout au moins qu'il s'amusait. « Ce que c'est que la manie poétique ?» disait Adolphe en plaisantant. « Voilà un garçon de 20 ans qui, au lieu de profiter de ses dimanches pour aller canoter à Asnières ou cavalcader à Montmorency, s'enferme dans sa chambre sous les toits pour faire des vers. J'ai beau le gronder, il ne veut rien entendre, mais il est si bon enfant qu'on ne peut pas se fâcher contre lui. » Et Adolphe, qui était bon enfant lui-même, faisait ce qu'il pouvait pour être agréable à ce jeune employé qu'il avait vu grandir chez lui. Il le chargeait spécialement de ses affaires personnelles, il l'envoyait toucher ses coupons, il lui confiait le soin de faire relier ses volumes, il lui donnait sa bibliothèque à ranger, ses papiers à classer, et quelquefois il le gardait à dîner. Ainsi, Flavien, plus qu'aucun autre, se trouvait introduit dans la maison, et il avait des occasions de voir Juliette que ses camarades n'avaient pas. Ceux-ci en riaient, le seul Lucius excepté, qui s'en fâchait dans son obséquiosité envieuse. Pourquoi ce gamin de Paris, plutôt que lui, Lucius, homme grave, avec qui on pouvait causer sérieusement ? « C'est parce que le patron a épousé une artiste, disait-il, qu'il se croit obligé d'avoir pitié de vos vers. Vous feriez bien mieux de surveiller vos additions que de faire des vers auxquels, pour mon compte, je ne comprends rien. »« Heureusement, » répliquait Flavien en riant. « C'est une insolence, n'est-ce pas, ce que vous me dites là ? Eh bien, je vous répondrai sur le même ton que j'aime mieux savoir que 4 et 3 font 7 que de faire rimer tête et fête. Ça arrive aussi avec bête. Vous n'êtes qu'un français, c'est-à-dire un insolent et un vaniteux. » Quand Juliette se trouvait avec Flavien en compagnie d'une tierce personne, elle lui adressait la parole. Au contraire, si elle le rencontrait seule, elle ne lui parlait pas. Lui-même agissait ainsi avec elle, et toutes les fois qu'un hasard les mettait en tête à tête, il quittait aussitôt la place sans dire un mot. Un jour qu'il cataloguait des livres dans le cabinet d'Adolphe, tandis qu'elle-même se trouvait seule dans le salon, elle fut très surprise de le voir ouvrir la porte qui fait communiquer ces deux pièces. Elle lui lança un regard qui aurait dû le faire entrer aussitôt dans le cabinet. Cependant, il ne referma pas la porte, mais s'avançant au contraire d'un pas dans le salon, « Pardonnez-moi, madame, » dit-il en s'inclinant avec toutes les démonstrations du plus profond respect, « de pénétrer ainsi chez vous, mais c'est pour une chose tellement grave que j'ai... » De sa main levée, elle lui montra la porte. Mais il ne bougea point. « Non, madame, je ne peux pas sortir, et votre regard, si cruel qu'il me soit, ne me fera pas quitter cette place. »« Alors, monsieur, c'est à moi de quitter la mienne, » dit-elle en se levant. Avant qu'elle eût pu faire 5 ou 6 pas pour sortir, il vint vivement se placer devant elle et lui barrer le passage. Alors, avec une résolution qui commandait l'attention, « Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, madame, c'est de vous, c'est de votre repos, de votre honneur. Et il a fallu cette puissante raison pour m'inspirer cette hardiesse. Je vous en supplie, madame, pour vous, pour votre fils, écoutez-moi. Oubliez le passé un instant, et croyez que vous avez devant vous un homme respectueux, dévoué, qui ne pense qu'à vous servir. » Elle avait cru tout d'abord à une déclaration désespérée. Ces quelques mots lui montrèrent qu'elle se trompait. Elle lui fit signe de parler. « Si vous voulez bien m'écouter, dit-il, je vous prie de venir dans la bibliothèque. Ma présence ici ne serait pas justifiable. Il ne faut pas qu'on puisse soupçonner que je vous ai parlé en particulier. Il est tout naturel que vous veniez dans la bibliothèque, tandis qu'il ne l'est pas que je pénètre dans le salon. Si l'on survenait pendant notre entretien, vous n'auriez pas d'explication à donner. » Elle le suivit, intriguée de ce mystère et jusqu'à un certain point inquiète. Si elle avait hâte d'écouter, Flavien était pressé de parler. « Vous savez, dit-il, comment je suis entré dans la maison de Madame d'Alifard. J'étais tout enfant et ce fut un acte de bonté, de générosité, de m'accepter comme employé appointé. » Un geste de Juliette ne l'arrêta pas. Il continua au contraire avec plus de vivacité. « Il faut que je rappelle ces faits, qui paraissent me toucher exclusivement, pour que vous compreniez comment Madame d'Alifard a pu me faire la proposition que je crois devoir vous dénoncer. Encore une fois, madame, je vous jure qu'il n'est pas et ne sera pas question de moi. À juste titre, Madame d'Alifard me considère comme son obligée, et c'est parce qu'elle a cru pouvoir disposer de moi qu'elle m'a fait appeler hier dans son cabinet. Monsieur Adolphe était sorti et vous-même, madame, n'étiez pas à la maison. Je devrais peut-être vous rapporter notre entretien mot à mot, mais j'ai été tellement troublé que je craindrais de ne pouvoir le faire avec fidélité. Et puis aussi, pour être sincère, je dois avouer que je serais gêné pour vous répéter certaines paroles de Madame d'Alifard, car vous savez qu'elle n'a pas peur de s'exprimer librement avec ceux qu'elle regarde comme étant au-dessous d'elle. » Flavien entassait visiblement les mots par-dessus les mots pour ne pas arriver à ce qu'il avait à dire. Cependant, le moment était venu où il ne pouvait plus différer. Juliette le pressait du geste et du regard. Il tourna les yeux et, baissant la voix, « Madame d'Alifard, dit-il, m'a demandé de vous suivre quand vous sortez. » Il y eut un assez long intervalle de silence. Juliette se tenait le visage caché entre les mains, et Flavien restait toujours les yeux baissés. Enfin, il les releva et, continuant, « C'est bien terrible pour moi que Madame d'Alifard ait pu me croire capable d'une pareille infamie. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'elle me proposait, mon premier mouvement a été de me défendre comme je le devais. Si je l'écoutais jusqu'au bout, c'est parce que l'idée m'est venue qu'il pouvait vous être utile de savoir ce qu'on machine contre vous, madame. » C'est cette pensée aussi qui m'a décidé à vous faire cette confidence, quoique cette indiscrétion soit une sorte de trahison envers Madame d'Alifard. Mais en me figurant que vous étiez exposé à des dangers qu'un avertissement donné à temps pouvait détourner, je n'ai pas hésité. Ah, madame, si vous saviez combien je voudrais vous servir et vous faire oublier, par une vie de dévouement, une minute de folie. » Elle lui tendit la main. Il tomba à genoux et prenant cette main, il la porta à son front dans un mouvement de respect et d'adoration. « Que puis-je pour vous ? » dit-il. « Ah, madame, commandez, ma vie est à vous. »« À vous taire, » dit-elle. « Ne parlez à personne de la proposition qui vous a été faite, jamais. » « Jamais, je le jure. Et si vous voulez faire quelque chose pour moi, oubliez l'entretien que nous venons d'avoir, ou tout au moins, ne me laissez jamais voir que vous vous en souvenez. Mais vous êtes entouré de périls. Un cœur dévoué peut vous servir. Faites-moi la grâce, donnez-moi la joie de m'employer pour vous. » Elle secoua doucement la tête avec un sourire désolé. « Cette proposition que je n'ai pas voulu écouter, d'autres l'écouteront peut-être. Il y a ici des gens qui, pour plaire à Madame d'Alifard, seront heureux de remplir la mission dont je n'ai pas voulu me charger. Il me répugne d'accuser quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Cependant, il faut que je vous dise qu'après m'avoir mis durement à la porte en me reprochant ma bêtise et mon ingratitude, madame a appelé Lucius. Or, Lucius n'a le dégoût d'aucune besogne, et par habitude et par caractère, ce genre d'espionnage lui convient. Il serait bon, il me semble, que vous fussiez prévenu de la surveillance de Lucius, si elle s'exerce. » Juliette lui imposa silence de la main. « Encore une fois, dit-elle, je vous demande de ne pas insister. Tout ce qui touche ce sujet me blesse. Vous avez assez de cœur et de délicatesse pour le comprendre. Comptez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Si je ne le rappelle jamais en paroles, je m'en souviendrai toujours au fond du cœur. D'ailleurs, ces dangers dont vous parlez ne sont pas si grands que vous les imaginez. » « Ah, je n'ai rien imaginé. J'ai vu qu'on machinait quelque chose contre vous et j'étais effrayé. Si mon avertissement suffit pour détourner ces dangers, j'en serai heureux. Ce sera la grande joie de ma vie. » Et s'inclinant, il se dirigea vers la porte de sortie. « Je vous remercie, dit Juliette. de tout cœur, je vous remercie. Ah, madame. Au revoir, monsieur Flavien. Adieu, madame. Non, pas adieu, au revoir. Ne craignez pas que votre présence me mette jamais mal à l'aise, car au-dessus de la honte que le souvenir de cet entretien pourra soulever en moi, brillera toujours le service que vous m'avez rendu. Au revoir. Elle le conduisit jusqu'à la porte. Arrivé dans le vestibule, il leva les yeux et la regarda un moment comme s'il voulait parler, puis ses yeux se mouillèrent. Alors, se détournant vivement, il s'éloigna à grands pas. « Pauvre enfant, » dit Juliette, « pour lui, quel supplice !» Mais elle n'était pas dans des conditions où il lui était loisible de s'apitoyer longuement sur les souffrances des autres. Il fallait qu'elle pensât à elle-même et à celui qu'elle aimait. Car il n'y avait plus d'illusions à se faire, ils étaient menacés, sérieusement menacés. Pour que sa belle-mère employât de pareils moyens, il fallait qu'elle fût arrivée au dernier degré de l'hostilité, et il fallait en même temps qu'elle fût bien certaine de pouvoir saisir un jour ou l'autre la preuve qu'elle poursuivait. Sa belle-mère d'un côté, M. Descloiseaux de l'autre, tous deux unis peut-être, c'était trop. Il ne fallait plus s'exposer au rendez-vous du parc Monceau et aux promenades en voiture. Dans une pareille conjoncture, le plus prudent eût été de renoncer à se voir, et ce fut la première idée qui se présenta à son esprit. Mais précisément, ils avaient un rendez-vous fixé pour le lendemain. Que dirait Erol s'il ne la voyait pas arriver? Une lettre, si explicite qu'elle pût la faire, ne le rassurerait pas. Il aurait des inquiétudes, des doutes. Ne le faisait-elle pas déjà trop souffrir? Elle le verrait quand même. D'ordinaire, quand elle lui écrivait, elle le faisait ostensiblement, car alors même qu'Adolphe serait entré pendant qu'elle faisait sa lettre, il n'eût pas regardé par-dessus son épaule. Mais la confidence de Flavien avait jeté dans son âme un effroi vague. Elle ferma à deux tours les doubles portes, et elle écrivit les quatre lignes suivantes. « Demain, à 3 heures, dans l'atelier dont vous m'avez parlé, arrivez-y à 2 heures et attendez-moi sans vous montrer, que la clé soit sur la porte. » Je sais le chemin. Nous sommes menacés. À demain. »